Une nouvelle ère, qui a dit que le rap français est arrivé à terre? Révolution underground qui est volontaire. Faire mouver cette culture, le temps ferme. Vision fresh, flash, chaque grosse caisse. Cache, dégage, des boîtes, prenne la surface. Assis, j'y vais au sulfate, vise le beat qui claque. Mais c'est pas timide, je pose comme le big dab. Braque au mic, prends l'OG, maté en caisse. High technology, pour moi Billy Gay. Macintosh, Jensen, ghetto garanti. J'ai l'antidote pour stopper le virus des ennemis. Tellement que je perds l'essence. L'adrénaline monte jusqu'à l'effervescence. Je ne sais même plus quoi dire, ni quoi faire, ni quoi penser. La sono a braqué mon cerveau. Sans pour les accros, l'info du tempo. Si tu kiffes le sang lourd, entre dans ma jungle. Viens là, je fais le show comme Jerry Springer. Non, si t'es pulsif comme le South Wind. Professionnel showman, Blacky Black Sniper. Ouah, pas de place pour les losers. Dans mon staff y'a que des fous qui flashent un flow de flingueurs. Et passe trois claques, des glaciers, sales têtes de fauveur. Ça c'est pour les gars, pour les go, pour les real. Ça c'est pour les gars, pour les go, pour les real. Fanatique suivant mon rap apologie. Des glaces, des blablabla, des les voix Kenzie. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est le sniper, la qui plique flingueur. Showman démoniaque, les mauvais, les shakers. Si tu veux du crunk, si tu veux du break, si tu kiffes son lourd, entre dans ma jungle. Tu veux du flow, voici du flow, tiens, prends, dégus. Fais tourner le goût et transmets le tout comme le virus. H1N1, ma vibe claque, les jaloux ont la H-I-N-E. Car il y a du feu, je rentre sur le terrain pour qu'il n'en reste qu'un. Je viens exposer ma vibe, tu marches ou tu crèves. Chez moi y'a pas de trêve, acharné dans ma musique. Je pousse à l'extrême avec espoir et sans répit. Torche pas ma zik, touche pas ma zik. L'atmosphère apporte un putain de truc de magie. Bois ma nègre, viens, et toi à l'écoute. Bois ma nègre, bois ma nègre, bois ma nègre, y'a quoi? 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est le sniper, la qui blique flingueur. Showman démoniaque, les mauvais, les shakers. Si tu veux du crunk, si tu veux du break, si tu kiffes le son lourd, entre dans ma jungle. C'est le sniper, la qui blique flingueur. Showman démoniaque, les mauvais, les shakers. Si tu veux du crunk, si tu veux du break, si tu kiffes le son lourd, entre dans ma jungle. Rap guerrier, tu connais le blast. Showman hip-hop qui garde sa base. Armé de mic, phone, un flow qui blique bang. Dans chaque coin de rue, la cartouche touche flingue. Lyrique extra, ma vibe s'amasse. Représente la street fanatique de Mars. Y'a de quoi faire jump up, yeah, en extase. Levez les mains en l'air, oh c'est un hold up. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est le sniper, la qui blique flingue. Showman démoniaque, les mauvais, les shakers. Si tu veux du crunk, si tu veux du break,